belle doux. Est-ce nous qu'arrive nous les séparer nous? Des paroles inutiles, l'empile en pile menti, la vie nous bouleversée. L'amour nous si fragile, mais pas ça mon pédi, paraît pour casser. Faut nous réfléchir avant nous faire folie. Faut pas nous faire bêtises, yes bêtises, avant il trop tard. Avant nous faire bêtises, yes bêtises, nous payer de ça. Faut pas nous faire bêtises, yes bêtises, non non non, avant il trop tard. Avant nous faire bêtises, yes bêtises, nous payer de ça. Trouver un petit moment pour nous parler de nous. Nous tellement hochipés qu'il nous a même plié. Est-ce faut pour un rendez-vous? Et puis des bons amis, parler pour faire plaisir, toujours qu'à raconter. Ça ou pas l'écouter, et qui qu'à faire plaire, ça qui fait nous fâcher. Faut nous réfléchir. Adoré, ou bien pour t'émolir, tout ça l'embrasse.